Barbara est une philosophe, actuellement résident à l'Institut d'études avancées de Paris, chargée de cours à l'école d'études également l'année dernière. Donc c'est une philosophe qui devrait ou pourrait intéresser beaucoup les sociologues parce qu'elle travaille sur des thèmes qui sont très importants pour nous, notamment la reconnaissance et la réputation. Alors elle, telle que je l'ai lue du moins, elle aborde ces thèmes de deux manières différentes, en partie en tant qu'historienne des idées et historienne de la philosophie. Je pense que ce livre sur Rousseau est l'exemple de cette âme, en quelque sorte, de son travail. Et puis également en tant que théoricienne de phénomènes sociaux. Et ça, c'est plutôt ce livre récent sur le prestige, où elle essaie de développer une théorie esthétique du prestige. Aujourd'hui, le papier qu'elle va nous présenter, c'est plutôt peut-être du côté de l'historienne des idées ou de la pensée. C'est un papier sur Hobbes et la façon dont Hobbes conçoit la réputation et la reconnaissance. Et donc, c'est une séance un peu spéciale parce que nous avons une deuxième invitée, Gloria Origi, qui est donc également philosophe, CNRS Institut Jean Nicot. Qui a beaucoup travaillé sur la confiance et depuis quelques années, elle travaille beaucoup sur la réputation également. Elle a récemment soutenu son ambition d'objet de recherche sur confiance et réputation. Et donc, chez nous, il y a ce nombre de gens qui s'intéressent à la réputation, dont Pierre-Marie Churin, qui n'est pas là. Et donc, on pensait que c'était une belle séance d'avoir deux philosophes et puis des sociologues qui travaillent sur ces questions, essayer de voir un peu comment on peut se confronter et éventuellement s'enrichir mutuellement. Donc, Barbara, elle va parler peut-être une trentaine de minutes. Oui. Et puis, un court commentaire de Gloria. Et puis, j'espère que Pierre-Marie sera là pour enrichir le débat. Et voilà. Donc, merci beaucoup. C'est à toi. Merci beaucoup, Jean-Luc. Je vous remercie pour cette invitation qui me donne l'occasion de présenter, de discuter mon travail dans un contexte très, très stimulant. Comme Jean-Luc vient de le rappeler, je suis historienne de la philosophie, de formation, mais aujourd'hui j'ai essayé de formaliser l'approche de Hobbes, de Thomas Hobbes, à la question de la reconnaissance et de la réputation, que je considère comme probablement un des modèles les plus importants et les plus aussi persistants dans l'histoire de la pensée sociale, sous forme d'un paradigme. Donc ça sera un travail entre les deux, entre l'histoire de la philosophie et la théorie. Je remercie aussi Gloria Origi qui est à l'origine du volume de la revue Communication pour laquelle j'ai conçu ces papers, cet article, et qui donc est un volume sur la réputation qui s'appelle La réputation, qui va sortir bientôt chez... Voilà. On travaille ensemble depuis longtemps et donc elle est vraiment la discutante la plus adaptée pour discuter de ces thèmes. J'ai divisé les propos d'aujourd'hui qui finalement résument la version plus longue de l'article que j'ai distribué par internet en trois parties. D'abord, dans une très très brève introduction, je suggère la question de la réputation dans le cadre de celle plus large de la reconnaissance sociale. Ensuite, je proposerai une analyse du modèle option, donc du paradigme théorique, qui sera le centre de l'exposé. Et enfin, j'esquisserai un bref aperçu de la persistance de ces modèles à l'intérieur d'une certaine tradition de la pensée sociale, celle qui a pensé la lutte du prestige, la question du prestige, représentée de manière exemplaire par l'économie des biens symboliques de Pierre Bourdieu. Donc, première partie, je partirai d'une définition de la réputation comme forme générique de la reconnaissance sociale, l'expérience dont dépend la conscience de soi de l'être humain. Je me réfère ici désormais à une tradition qui est devenue très connue, par exemple à la définition que Axel Honneth en donne du phénomène, la définition large qu'il donne du phénomène de la réputation dans ses travaux. Dans cette perspective, j'ai défini la réputation comme la pensée, la considération, ou plus précisément l'estime, un concept qui sous-entend l'idée d'un jugement appréciatif, qui porte sous la valeur d'un individu ses partenaires dans l'interaction. Comme on sait, la tradition historiographique affirme que la connaissance philosophique de ces problèmes est apparue avec l'idéalisme allemand. Elle coïncidait notamment avec l'élaboration du concept technique d'Anerkennung par Fichte et par Hegel. Je saute ici toute la partie de mon article qui est consacrée à la critique de ce lieu commun historiographique et dans lequel j'essayais de démontrer avec les instruments de l'anthropologie philosophique et aussi des travaux qui existent déjà sur toute la tradition qui a étudié les phénomènes affectifs dans la pensée moderne et pour mettre en question ce paradigme, ce lieu commun qui finalement associe les mots, l'apparition du mot reconnaissance à la conscience du problème, tandis que normalement un problème peut naître avant la création même du mot spécifique qui les concerne comme sensibilité et comme conscience. Donc, contre les clichés hegéliens, je propose par contre d'introduire une différente problématisation historique à partir de deux questions plus précises. Première question, existe-t-il une approche spécifiquement moderne de la question de la reconnaissance sociale? Deux, cette approche n'est-elle avant Hegel? Or, l'œuvre de Thomas Hobbes permet de répondre très efficacement à ces deux questions. Son modèle anthropologique présente en effet deux aspects que l'on peut considérer comme absolument modernes. Il présente notamment un nouveau paradigme de la subjectivité, centré sur la loi de l'auto-affirmation individuelle. On peut recourir à la notion toujours risquée, mais ici très pertinente, d'individualisme moderne, point de rupture épocale entre l'anthropologie des anciennes et celle des modernes. Ici, par exemple, les travaux que Léo Strauss avait consacrés à Hobbes sont encore des références, c'est-à-dire il avait vraiment considéré Hobbes comme le tournant de la naissance de la conception moderne de l'individu. Ce tournant métaphysique, donc du côté de l'histoire de la philosophie et des idées, s'accompagne d'importantes transformations historiques et sociales, dont il ne vaut pas la peine de rappeler aujourd'hui, notamment le désancrage de la reconnaissance des cadres sociaux qui fait que l'identité devient le théâtre d'une négociation conflictuelle, c'est-à-dire c'est la formule que Charles Taylor résume sull'idea che dalla vita premoderna la riconoscenza non era un lutto, elle était come distribuita in maniera automatica per le categorie sociali dell'identità, tandis che avec la mobilità sociale e la possibilità per le moi di se construire un'identità libre, évidemment la riconoscenza des autres devient l'objet d'une négociation e di un dialogue conflictuel avec les autres. Donc, les premiers points qui rendent la pensée de Hobbes absolument moderne est la naissance d'un nouveau paradigme de la subjectivité. Le deuxième est la centralité du conflit, qui devient le paradigme privilégié de l'interprétation des relations sociales. Homo homini lupus, bellum omnium o contra omnes, la philosophie hobbesienne est toujours immédiatement associée à la nature endémique de la guerre. Combinés en diverses constellations, ces deux éléments se retrouvent dans toutes les théories modernes de la reconnaissance. On les retrouve chez Hegel, chez Kojève, chez Honneth. Les considérations suivantes se concentreront sur les modèles dont la caractéristique la plus spécifique est, donc le modèle hobbesien, la réduction de la reconnaissance à un modèle stratégique d'action servant à la maximisation du pouvoir et à la magnification du statut social. Je passe ainsi à la description du modèle hobbesien. Je vais décrire la position de Hobbes de façon idéal typique, sans considérer les variantes présentées par ses différentes rédactions. J'aborderai la pensée hobbesienne comme un système cohérent dans sa complexité, en me concentrant plus particulièrement sur la première œuvre de Hobbes, Les Elements of Law, Natural and Politic, rédigée vers 1640 et considérée par beaucoup d'interprètes comme son chef-d'œuvre psychologique. Finalement, la théorie de Hobbes ne change pas beaucoup pour ce qui concerne surtout l'anthropologie à partir des Elements jusqu'au Léviathan. Mais l'œuvre plus intéressante pour la théorie de la reconnaissance, c'est la première. L'intérêt particulier de cette œuvre réside dans la finesse de l'analyse des passions, donc c'est sa finesse psychologique, aussi bien que dans les liens essentiels qu'elle situe entre la question de la reconnaissance et celle du pouvoir. Dans les œuvres successives, cette liaison devient un peu plus faible. Hobbes étudie la nature humaine dans une perspective naturaliste et mécaniste, en se concentrant sur les principes métaphysiques que l'homme partage avec tous les êtres vivants, les conatus, endeavor dans les textes anglais, c'est-à-dire l'effort, c'est la traduction de conatus du mot latin, par lequel l'individu cherche à conserver sa propre vie et à augmenter progressivement son pouvoir. À partir de ces noyaux de puissance individuelle, dynamique et agressive, Hobbes déduit deux catégories de passions qui se distinguent par la forme de bien qu'elles utilisent. Je précise ici, c'est une remarque peut-être inutile, que sous les mots passion, qui nous semble un peu daté, se cache toute la théorie des mobiles de l'action dans l'anthropologie classique. Donc c'est un mot qui est absolument significatif. Donc il y a les passions selon Hobbes, de l'utilité, utilitas en latin, ou de la gloire, gloria. On peut les appeler dans des termes plus modernes les passions matérielles et les passions symboliques. Les premières, les passions matérielles, cherchent les plaisirs physiques en se tournant vers la nourriture, les boissons, les plaisirs sexuels. Les secondes visent des objets symboliques dont l'âme jouit de manière spirituelle, par l'imagination. Malgré leurs différences, aussi bien l'utilité que la gloire naissent de l'impulsion qui pousse le moi à accumuler un pouvoir infini en transcendant perpétuellement ses limites et en repoussant tous les obstacles qu'il trouve sur son chemin. Au niveau spirituel, cette impulsion s'exprime dans un désir illimité de supériorité sur les autres, dont les Elements of Law donnent cette définition lapidaire. Glory, excusez-moi pour la mauvaise prononciation de l'anglais du XVIIe siècle. Glory, or internal gloriation, or triumph of the mind, is that passion which proceeded from the imagination or conception of our own power, above the power of him that contended with us. C'est la Elements, 11e chapitre. Semblable à la cérémonie romaine qui célébrait les victoires militaires des généraux, la gloire est un triomphe imaginaire. Un sujet y contemple intérieurement l'excellence qu'il rêve de conquérir dans la confrontation agonistique avec un rival. Hobbes parle aussi de pride, vanity, mais les termes qui expriment l'originalité de sa pensée avec le plus de bonheur est certainement celui de glory, qui vient du grec kleos, dont la racine phonétique nous intéresse particulièrement parce qu'elle fait allusion à la réputation, à la renommée qui circule dans l'espace public et qui résonne, donc de manière physique, de manière acoustique, et aussi socialement reconnue et célébrée. Cette remarque nous conduit au second élément du modèle option. La gloire, qui est quelque chose d'antérieur au sujet, doit être attestée par les autres sous forme d'honneur. Honorer quelqu'un, c'est établir la valeur d'un individu de manière comparative, évaluer sa supériorité par rapport à celle de ses compétiteurs. Comme Hobbes le précise, toujours dans les Elements, the acknowledgement of power is called honor, and to honor a man, inward in the mind, is to conceive or acknowledge that that man had the odds of excess of power above him that contended or compared himself. L'honneur doit s'exprimer extérieurement, sur la scène publique, sous forme des signes d'honneur. Ceux-ci sont des gestes, des mots, des symboles, des titres, des trophées, des cérémonies, des dons, auxquels on attribue de manière consensuelle la signification d'un témoignage d'estime, d'une évaluation positive. Je cite quelques exemples donnés par Hobbes: to praise, to magnify, to bless, to magnify, to bless or to call happy, to pray, to supplicate, to thank, to offer a present, to obey, to speak with consideration, to approach in a decent manner, to keep distance from, and so on. Ces moments symboliques correspondent à la dimension de la reconnaissance qu'on pourrait définir comme sémiotique ou esthétique, au sens de l'aesthésis, de la perception sociale. Les signes honorifiques est un phénomène sensible qui exprime un contenu spirituel et qui est susceptible d'être perçu. L'honneur est en effet une entité immatérielle et mentale, Hobbes écrit qu'il est « secret and internal in the heart », mais il a aussi des traits phénoménaux, visibles, audibles, tangibles, qui correspondent à sa manifestation publique et qui sont de la plus grande importance sociale en tant qu'ils font advenir l'existence objective de la valeur personnelle. Il désigne en effet l'estime réelle, objective, publiquement perceptible et reconnaissable, qui peut être objective et exhibée dans l'espace commun. Ce sont précisément ces signes d'honneur qui représentent les biens convoités par la conscience glorieuse, cette nourriture immatérielle et à l'esprit ce que les pains et l'eau sont au corps. La conscience en manque d'estime se nourrit des symboles de sa propre valeur qui lui renvoie les consciences miroirs de ses partenaires sociaux. Je reviens ainsi au problème du départ. À la faveur de ces définitions de la gloire et de l'honneur, Hobbes fait en effet du besoin de reconnaissance l'une des questions brûlantes de la philosophie politique moderne, aussi bien d'un point de vue psychologique que social. Premièrement, le besoin de reconnaissance n'est pas un élément parmi les autres de la psychologie humaine. Il est la véritable clé de voûte de la structure subjective. C'est à sa source que remontent les causes profondes du désir. Dans les éléments of law, toutes les passions secondaires sont déduites de la gloire, qui est la passion primaire et dominante. Il faut toutefois remarquer que cela est possible au prix d'une décision anthropologique fondamentale, je l'appellerai comme ça. Par rapport au large spectre des phénomènes affectifs qui sont susceptibles d'être associés à la question de la reconnaissance, Hobbes fait un choix très sélectif. Il se concentre exclusivement sur un aspect du besoin de reconnaissance, celui où s'exprime la compétition pour le pouvoir et pour la supériorité de statut. Ces sous-genres de la reconnaissance excluent ou tendent à absorber toutes les autres formes des désirs de désir, c'était la formule de la définition de la reconnaissance donnée par Alexandre Kojève, qui ne seraient pas nécessairement compétitives ou agressives, comme les besoins d'affection, les besoins d'amour, d'approbation, de respect et d'estime. Les choix des termes de gloire et d'honneur, traditionnellement liés au monde aristocratique et chevaleresque, est emblématique. Les métaphores obscènes, toutes tirées de l'imaginaire militaire, sont également révélatrices. Guerre, triomphe, duel, course, revanche. Cette fondation terminologique et conceptuelle, conséquence cohérente de la métaphysique du conatus et de la tradition du réalisme politique qui réduit la réalité humaine au principe du pouvoir et du conflit, finit par conditionner d'avance les résultats de la philosophie politique obscène, par exemple son conservatorisme. Deuxième point, donc, les besoins de reconnaissance est d'un côté la clé de voûte de la structure subjective et il est aussi, de l'autre côté, la clé de voûte de l'ordre social. Dans les modèles hobbesiens, l'équilibre des rapports intersubjectifs est déterminé par la tension entre deux pulsions opposées, également produites par les désirs de gloire. À la pulsion affirmative, qui s'exerce aux dépens des autres, s'opposent nécessairement les besoins des autres, indispensables pour garantir à la conscience l'attestation de sa valeur. À l'origine du problème social de la modernité, selon Hobbes, il y a donc un contraste incontournable entre désir de pouvoir et dépendance, agressivité et vulnérabilité. La dynamique symbolique du conflit social, qui est l'une des intuitions les plus novatrices de la philosophie hobbesienne, obéit à la même ambivalence. L'hostilité qui oppose les individus dans l'état des natures n'est pas déterminée exclusivement par des causes matérielles, comme la rareté des ressources qui, en s'opposant à l'instinct de conservation, pousserait les individus au conflit. Ça, c'est l'interprétation traditionnelle de Hobbes, par exemple celle de Gautier, centrée sur la théorie du choix rationnel, interprétée de manière toute économique. Par contre, la condition endémique des guerres surgit en effet aussi du désir insatiable des biens honorifiques, électifs, comme l'affirme le fameux « three cause argument » du chapitre 13 du Léviathan. Dans cette citation, Hobbes affirme que dans la nature humaine, il y a trois causes de guerre, la compétition, qui vise les gains, la méfiance, qui vise la sécurité, et la gloire, qui vise la réputation. Pour des raisons que nous allons bientôt rappeler, c'est la troisième qui rend les conflits vraiment insolubles. Considérons brièvement les nouveautés fondamentales introduites par la découverte hobbesienne de la gloire dans l'analyse de la psyché individuelle. Bien que l'approche hobbesienne de la question sociale soit souvent définie comme libérale, dans la mesure où elle réduit la société à la somme de ses éléments, des atomes indépendants en mouvement les uns contre les autres, l'individu ne saurait pourtant apparaître comme le centre d'égalité de ces modèles. Hobbes réfléchit en effet sur la nature humaine en philosophe politique et son problème crucial est celui de l'intersubjectivité, les systèmes de relations réciproques entre individus et la difficile interaction de leur ego. L'homme hobbesien n'est donc nullement une entité autonome, close, indépendante. Il souffre de la compagnie des autres, mais il a besoin de cette compagnie pour connaître la valeur de son moi et pour jouir du plaisir de la domination et de l'excellence. Il est un curieux paradoxe d'insociable sociabilité. Pour reprendre la belle définition que Georg Simmel donnait de la vanité, il a besoin des autres pour pouvoir les mépriser. L'évaluation individuelle est ainsi toujours positionnelle. La valeur sociale consiste dans l'effet d'être inférieur ou supérieur aux autres, en qualité par rapport à quelqu'un d'autre. La comparaison agoniste devient ainsi une modalité constitutive de la psyché individuelle, dont la structure réflexive ne connaît pas de limites. Tandis que l'Antiquité situait la vie humaine au sein d'un réseau complexe et stable de lois objectives et substantielles, Hobbes assigne aux hommes un but unique et inaccessible, celui de se sentir mieux que les autres. Je cite Dudexivé cette fois. Le plus grand plaisir et la plus parfaite allégresse qui arrive à l'esprit viennent à l'homme de ce qu'il envoie d'autres au-dessous de soi, avec lesquels, se comparant, il a une occasion d'entrer en une bonne estime de soi-même. Cette problématisation conduit alors nécessairement à un cercle vicieux qui condense tous les tragiques du modèle hobbesien. Le moi a besoin de voir son excellence confirmée par celui-même qu'il veut humilier. La relation sociale acquiert la forme paradoxale du double bind et rend de plus en plus interdépendants les individus qu'en principe elle devrait séparer. On reviendra tout de suite sur les conséquences sociales de ces problèmes. Concentrons-nous pour l'instant sur les effets qu'il produit sur l'équilibre de la conscience individuelle. 1. Le moi est condamné à l'instabilité perpétuelle. Son sentiment interne flotte au gré des attitudes et des confirmations des autres. C'est un effet de cyclothymie, inévitable. Le moi est insatiable, puisque tout le monde prétend valoir plus que les autres, le désir de reconnaissance ne connaît pas de limites naturelles, d'autant plus qu'il y a la légalité naturelle, selon Hobbes, et donc il y a toujours quelqu'un qui sera susceptible de passer devant nous. Troisième point, le moi connaît un développement hypertrophique de sa vie imaginative et mentale. Hobbes décrit la construction mentale d'un monde paranoïaque, peuplé par des consciences trop susceptibles qui s'affrontent sans répit pour les symboles immatériels de l'honneur. Et un monde aussi fétichiste, composé par des choses qui ont les statuts de trophées, c'est-à-dire des symboles d'une victoire agoniste, bien qu'il n'ait pas de valeur utilitaire, ces biens deviennent l'objet d'une convoitise irrationnelle grâce à leur effet des signes. Quatrième point, la gloire a un rôle génétique dans la formation de l'individualité. De la forme abstraite de la gloire comme prédisposition à la comparaison et au conflit antagonique, Hobbes déduit toutes les autres passions symboliques qui impliquent une référence à la valeur des autres consciences, sous forme positive ou négative. René Girard les nommerait mimétiques, ces phénomènes qu'on peut aussi désigner sous les termes, c'est la définition que je propose, des passions comparatives. Ils comprennent l'humilité, ou les sentiments d'être inférieurs aux autres, l'émulation, le désir d'être comme les autres, l'envie, désirer les choses des autres pour être comme les autres, les rires, dont Hobbes donne une définition très sinistre, en montrant qu'on rit lorsqu'on se réjouit de l'humiliation des autres. L'ambition, le désir de réussir mieux que les autres, etc. Toutes les passions, en d'autres termes, sont des modifications de complexes de supériorité et d'infériorité. Considérons maintenant les effets sociaux de la gloire, qui dérivent essentiellement de sa nature positionnelle. Les hommes recherchent l'honneur comme dans un jeu à somme nulle. Je cite Dudekive. La gloire, de même que l'honneur, si elle se communique à tous sans exception, elle ne se communique à personne. La raison en est que la gloire dépend de la comparaison avec quelqu'un d'autre et de la prééminence qu'on a sur lui. Tous veulent être les meilleurs, mais personne n'est prêt à reconnaître la supériorité des autres. La seule conséquence possible est alors la guerre. Même si le conflit n'est pas déclaré de façon explicite, les relations entre individus sont envenimées par une tension latente, une atmosphère, c'est les mots que Hobbes utilise, et une atmosphère émotive de méfiance et de suspicion. La violence ne s'exprime pas alors sous forme de menaces ouvertes ou d'agressions physiques, mais par le biais des gestes et des mots allusifs, des petits signes apparemment sans importance. Je cite Dudekive, il est presque impossible qu'il ne s'engendre de la haine, ou que le mépris n'éclate pas par quelques risées, quelques paroles, quelques gestes ou quelques autres signes. Telle est la dimension mentale de l'état de nature. La guerre de tous contre tous n'est pas seulement une lutte dictée par l'utilité et la survie matérielle, mais elle est également un duel pour le prestige. Par rapport à la lutte matérielle, donc c'est une lutte de la reconnaissance dans un sens pas normatif, très différent de celui que Arsenonnette donnerait au mot, c'est-à-dire que là on reste sur la question de l'utilité du pouvoir. Par rapport à la lutte matérielle, cette lutte spirituelle est certainement futile. Aveuglés par la vanité, les hommes s'agressent pour ce que Hobbes définit des bagatelles, trifles. L'intensité du conflit semble pourtant croître en proportion de sa frivolité. Lecteur et traducteur de poèmes épiques, Hobbes devait aimer ces épisodes où un héros sombre dans la folie à cause de la honte qu'il ressent ou tente de mettre fin à ses jours pour défendre son honneur. Risquer la valeur suprême de la vie au nom de quelque chose de si vain et de si impalpable est le comble de l'absurdité. C'est justement pour compenser cette irrationalité de la gloire que, grâce à la conversion suscitée par la crainte de la mort, se mettra en place la logique rationnelle qui conduit au contrat social. Autrement dit, avec Hobbes, les désirs de reconnaissance, identifiés avec les désirs de domination et de supériorité, deviennent la passion dominante de l'homme, au double sens des passions qui dominent l'esprit humain et à l'importance sur les autres passions et les autres mobiles, et des passions qui poussent les moi à dominer les autres. Cette conception transforme radicalement les visions traditionnelles de la psychologie et de la société, et on la trouve cristallisée dans la puissante métaphore qui clôt le chapitre 9 des éléments, des Elements, celle d'une course, la vie humaine, qui n'a ni but ni fin et où il n'y a pas d'autre prix que les plaisirs éphémères d'être devant les autres. C'est une très belle image dans laquelle Hobbes déduit toutes les passions à partir de la métaphore de la course, de la priorité de la gloire. Dans cette course, qui ressemble à une punition infernale, il n'y a no other goal, no other garland, but being foremost, être seulement le premier. Je m'approche à la conclusion. Donc, Hobbes aujourd'hui est la persistance de son modèle. La question de la gloire joue dans les systèmes Hobbesien un rôle essentiellement politique. Non seulement elle sert à expliquer les origines symboliques de la guerre, comme j'ai tenté de le montrer, mais elle sert également à justifier l'urgence d'une réglementation institutionnelle par l'État. Le grand Léviathan est en effet « the king of the proud », le roi de la gloire. L'ordre artificiel, établi par contrat, qui doit contenir et canaliser les désirs destructeurs de gloire grâce aux lois, par les moyens de récompenses et de punitions. À cette fin, l'établissement d'un système d'honneur public, de dignité, comme les appelle Hobbes, orienté vers l'intérêt commun, est fondamental. Hobbes élabore ainsi une solution normative à la question de la gloire qui est aujourd'hui encore susceptible de nous intéresser. On pourrait par exemple la comparer avec les théories contemporaines qui prônent une distribution démocratique de la reconnaissance ou de l'égard respect, médiatisée par les droits et les institutions, et notamment avec la théorie de l'estime publique de Hatzelonet. Mais la fécondité du modèle hobbesien se manifeste aussi dans sa dimension plus explicative et plus descriptive, qui est celle qui m'intéresse. On peut suivre sa persistance en déroulant la tradition qui a pensé la reconnaissance sous la forme de l'honneur et qui voit dans la lutte pour le prestige une dimension incontournable de la réalité sociale. Cette ligne, en passant par Jean-Jacques Rousseau, Alexandre Kojève, Thorstein Veblen, Marcel Mauss, Norbert Elias, va de Bernard de Mandeville aux travaux récents des économistes, par exemple André Orléans, qui vient de publier un livre sur la question de la valeur sociale qui est très influencé par... Qui vise les mêmes problèmes. Et donc les travaux récents des économistes qui s'efforcent de refonder la théorie de la valeur. Mais c'est surtout dans la sociologie de Pierre Bourdieu qu'on découvre l'héritage hobbesien le plus systématique et le plus cohérent. Les présupposés philosophiques de la théorie de Bourdieu sont essentiellement les mêmes que chez Hobbes. À une anthropologie fondée sur la volonté des puissances, indépendante chez les sociologues d'une fondation métaphysique explicite, au caractère central de l'honneur et en conception endémique du conflit social, correspond la distinction entre les deux formes différentes des biens qui font l'objet de la quête stratégique du pouvoir, les biens matériels des ressources économiques et les biens immatériels des ressources symboliques. Dans ces deux sphères, l'individu est guidé par la même tendance à l'affirmation de soi. La théorie de la distinction se fonde sur un principe de base. L'objectif premier des agents sociaux est la maximisation de leur pouvoir social et l'accumulation du capital symbolique est un moment fondamental de cette stratégie. Cette notion de capital symbolique est révélatrice dans la mesure où elle désigne la quantité de reconnaissance honorifique qu'un individu ou un groupe peut capitaliser en manipulant artificiellement les systèmes culturels. Le problème de la reconnaissance est ainsi absorbé dans une conception stratégique et utilitariste. Cette démarche marque un tournant très important dans l'histoire du matérialisme, traditionnellement associé au paradigme de l'homo economicus. Elle ouvre un nouveau champ, infiniment riche et fascinant, pour la phénoménologie et l'herméneutique des conflits symboliques de pouvoir. Mais, en même temps, elle tend à réduire la logique autonome de la dimension symbolique à la logique de l'intérêt économique. L'esquisse d'une théorie de la pratique présente ainsi l'économie de la pratique comme un modèle théorique qui embrasse toute forme d'action, et toute forme des biens, matériels ou symboliques, sous les signes d'un seul et même paradigme d'action. Je relis une citation qui est certainement très connue de l'esquisse. Il faut étendre à tous les biens, matériels ou symboliques, sans distinction, qui se présentent comme rares et dignes d'être recherchés dans une formation sociale déterminée, S'agirait-il des bonnes paroles, des sourires, des serrements des mains ou des haussements d'épaules, des compliments ou d'attention, des défis ou d'injures, d'honneur et déshonneur, des pouvoirs et des plaisirs, des ragots ou d'informations scientifiques, des distinctions ou des distinctions, etc. Les calculs économiques qui n'ont pu s'approprier les terrains objectivement livrés à la logique impitoyable de l'intérêt tout nu, comme dit Marx, qu'en abandonnant un îlot des sacrés, miraculeusement épargné par l'œil glacial du calcul égoïste, asile de ceux qui n'ont pas d'esprit, par excès ou par défaut. Pierre Bourdieu. En d'autres termes, l'expérience de la reconnaissance n'est que la poursuite du pouvoir par d'autres moyens. Conçue comme un jeu d'intérêt, elle est privée de la spécificité propre, ou pour utiliser une catégorie de l'agir communicationnel, elle est réduite en conception fonctionnaliste de l'action sociale au détriment de son potentiel normatif. Une discussion approfondie de la théorie de Bourdieu ne me conduirait bien au-delà du propos de ce séminaire. Je me limite donc à indiquer ces quelques lignes possibles de développement, parce que réfléchir sur les choix théoriques et les enjeux qui sont à la base du modèle option peut nous aider, je pense, à reconsidérer la valeur des modèles qui nous guident encore aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup. Avant d'ouvrir la discussion, peut-être Gloria, elle peut... Oui. Merci beaucoup, merci Barbara de cette présentation d'un papier que je connais très bien justement parce que je l'ai commissionné enfin, pour un numéro spécial d'une revue qui est consacrée à la question de la réputation qui est le résultat d'un séminaire auquel Jean-Luc avait participé également de l'école de hautes études qui était très interdisciplinaire sur la question de la réputation. En fait, si vous voulez, c'est un concept qui est un peu dans l'air du temps, on entend beaucoup parler de ça, et au fond, ce n'est pas sympathique, c'est un concept des droites, la réputation, les gens n'aiment pas, donc essayer de réhabiliter cette notion, parce qu'il nous semble qu'il y a des travaux qui convergent, je viens d'ailleurs de rentrer d'un colloque à Amiens, justement, sur la sociologie des réputations, où vous étiez aussi, et donc en fait, on voit des travaux qui convergent sur l'idée de, disons, réévaluer un paradigme qui n'est pas sympathique, au fond, c'est que, disons, il y a une façon positionnelle, enfin, de structurer les rapports sociaux qui est assez spontanée. Au fond, on n'est pas tous... au fond, si vous voulez, la réputation pourrait être vue comme une espèce de concept... qui relève d'un monde social passé, dans lequel justement il y a des questions d'honneur, il y a des questions d'image sociale qui structurent, disons, nos identités sociales, mais pas, ça ne devrait pas être tellement présent comme ça, des sociétés démocratiques dans lesquelles justement les individus devraient être perçus comme égaux. Et donc ne pas se positionner l'un l'autre dans ce paradigme, disons, fortement, disons, asymétrique. Enfin, comme une espèce de... au fond, la réputation, c'est l'étude de comment se structurent les asymétries sociales et informationnelles et comment donner sens à ces asymétries. Et Barbara a fait une reconstruction d'un paradigme, chez Hobbes, qui est très intéressante parce qu'elle pose au début, enfin, disons, de l'anthropologie hobbesienne, des aspects importants. Un, le fait que Hobbes donne de cette question éminemment, disons, sociale de la réputation, parce que c'est, disons, la façon... dans laquelle je me compare aux autres, donc mon existence, mon moi social, mon existence à travers les yeux des autres. Une dimension individualiste, Hobbes lance, disons, ce modèle individualiste de l'intersubjectivité, ce qui est très intéressant. Et deuxième aspect, par rapport, disons, à la littérature sur la reconnaissance, que peut-être est plus familière aux sociologues, l'interaction stratégique pour se positionner dans l'espace social est de nature purement conflictuelle, enfin, ce qui est peut-être, qui relève, disons, de cet aspect, disons, intéressé et au fond stratégique de la quête, disons, de bien symbolique, de gloire, d'honneur chez Hobbes. Or, là, j'ai quelques questions pour toi, puis je voudrais ouvrir la discussion plus générale. D'abord, comme tu le dis bien au début de ton article, dans une des reconstructions, disons, classiques de la question de la question de la reconnaissance, pas vraiment de la question de la reconnaissance, mais disons, dans le livre d'Arthur Lovejoy, Les réflexions sur la nature humaine, il fait une reconstruction, disons, du besoin d'approbation et d'estime, disons, dans la littérature de la philosophie entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Et au fond, ce qu'il dit, c'est que chez ces auteurs, on trouve une grande confusion. Tous les termes vont ensemble, enfin, réputation, honneur, gloire, même vaine-gloire, amour propre. Et au fond, il s'agit de concepts qui sont très, très différents. D'ailleurs, Lovejoy essaie de les réorganiser à travers au moins, en faisant une taxonomie au moins de trois catégories de désirs profonds, qui sont le désir d'approbation, le désir d'estime, vraiment la coudonomix à la Philippe Petit Brennan, enfin vraiment les désirs d'estime, donc d'être apprécié pour de bonnes raisons, disons, pour les bonnes raisons, et enfin les désirs d'émulation, d'autres mécanismes qui exploitent la réputation, comme, justement, comme émuler les autres, parce qu'on pense que c'est les bons modèles, etc. Donc, je me demandais si, par exemple, ces trois dimensions sont toutes présentes chez Hobbes ou chez lesquelles il me semble que c'est clair que l'estime de soi est absente. Enfin, dans un modèle purement stratégique, je ne vois pas, disons, le rôle de l'estime de soi. La réputation peut être recherchée pour des raisons complètement instrumentales. Il se peut qu'elle ne soit jamais corrélée avec un souci de morale, par exemple. Or, il y a pas mal de travaux dans des domaines différents de recherche, de la psychologie évolutionniste à la théorie des jeux, qui essayent justement de voir la possible divergence, enfin, entre un besoin de réputation, une quête de réputation en tant que purement instrumentale, et une quête de réputation en tant que de réputation morale, d'être disons, qui est vraiment, disons, un souci de paraître, disons, moralement performant, enfin, et donc qui implique, disons, une correspondance des valeurs entre les valeurs du sujet, disons, et les valeurs des autres. Enfin. Donc il peut y avoir des cas où ces deux choses, par exemple, divergent. Donc il faut faire un choix, disons, d'hypocrisie sociale ou bien un choix de. Et donc voir si. Chez Hobbes, j'ai l'impression que le modèle est purement stratégique et instrumental. Or, c'est ce qui est intéressant de ce modèle pour. Au fond, je pense aussi, c'est ce qui a intéressé Jean-Luc, même si c'est des travaux qui sont très très différents par rapport à ce que dont vous vous occupez en tant que sociologue, c'est que justement c'est un paradigme individualiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne veux pas faire quelque chose de trop hasardeux, d'essayer de trouver un parallèle entre tes travaux sur les hiérarchies des statuts et les travaux de Barbara sur l'anthropologie philosophique chez Hobbes et la généalogie de la reconnaissance. Mais en fait, il y a quelque chose qui est intéressant chez Hobbes, c'est qu'au fond, il est un individualiste, donc l'individu, le choix, disons, stratégique, rationnel de l'individu est un premier, mais au fond, c'est ce qui est intéressant dans la stratégie de la gloire, c'est d'organiser une hiérarchie des statuts, fondamentalement, enfin, d'organiser d'une façon, disons, en partant d'une distribution initiale qui est inégale, s'organise à travers une lutte pour les statuts, pour la gloire, pour l'honneur des hiérarchies des statuts. Donc, d'une certaine façon, Hobbes a un modèle qui pourrait être comparé à certains modèles contemporaines de l'organisation des statuts, par exemple des modèles comme le modèle de Manzo, de Gianluca, de Gould, etc., qui sont présents en sociologie analytique, excusez-moi si ça vous semble trop absurde, mais quand même, on pourrait dire, justement, la réputation, n'est pas, l'honneur, la gloire, la réputation n'est pas seulement juste un effet du mérite, qu'on pourrait voir, par exemple, qu'on pourrait penser Weber, une pensée individualiste et weberienne pourrait penser, n'est pas seulement un effet de la construction sociale, enfin, ce n'est pas seulement socialement construite, elle est l'effet des négociations intersubjectives et des comparaisons continues, disons, entre individus qui structurent, disons, un espace qui est fondamentalement inégal. Donc, je trouve que ce qui est intéressant de Hobbes, c'est que cet aspect individualiste, au fond, qui n'est... Et si c'est ça qui est intéressant dans ce modèle, enfin, des luttes continues, il y a deux choses qui restent mystérieuses pour moi. Une, c'est la comparaison avec Bourdieu, qui me semble quand même être du côté complet du... constructivisme social, enfin, disons, cette lutte symbolique est construite quand même, est un effet d'une domination sociale, enfin, n'est pas un choix rationnel des individus. Et de l'autre côté, l'aspect fortement irrationnel qu'il y a aussi chez Hobbes par rapport à sa pensée sur l'homo economicus, disons, à sa pensée sur comment on rentre, disons, dans les contrats sociaux, disons, la pensée purement utilitariste, là, dans la pensée purement utilitariste, il a un modèle rationnel, donc il y a une règle, enfin, de rationalité, et au fond, dans les modèles de la gloire, enfin, de la lutte pour la gloire, cette lutte pour la gloire reste fondamentalement irrationnelle, enfin, je veux dire, elle est quelque chose qu'on désire d'une façon stratégique, mais ça nous donne une angoisse énorme, elle développe des égos hypertrophiques, elle met les individus dans une situation de stress total l'un par rapport à l'autre, de comparaison continue, ce qui est d'ailleurs peut-être un phénomène social qu'on observe aujourd'hui aussi sur les gens qui continuent à regarder leur nombre d'entrées sur Google, etc. Mais je veux dire, ça reste quand même dans les... Qu'est-ce qui nous échappe là? Mon interprétation, c'est ce qui est dans ces modèles-là, que Hobbes n'a pas un modèle. Il a une idée très intéressante, c'est que les gens ont veulent la gloire et ils sont stratégiques sur ça, mais ils sont stratégiques et irrationnels ensemble. Ça veut dire qu'ils savent pas comment l'obtenir, parce qu'il y a une marge énorme d'aléas. Qui est le fait que la réputation est un phénomène communicationnel. Ça veut dire que la réputation se diffuse, enfin. Et ces lois-là, dans les modèles, disons, dans les modèles classiques qui ne prennent pas en compte les phénomènes de diffusion, n'est pas pris en considération. Donc ce stress énorme, disons, Hobbes n'est pas dans la généalogie de ces modèles-là. Moi, je pense que les modèles contemporains sont vraiment des modèles qui peuvent... Qui commence à donner, disons, une espèce de corrélat, formel, comme qu'est-ce qu'un phénomène de stratégie pour gagner de la réputation. Dans le cas de la théorie de la rationalité, disons, utilitariste, enfin, on peut trouver chez Hobbes une espèce de premier... noyau, enfin, vraiment, enfin, c'est le langage est différent, mais disons, on pourrait le transformer dans un langage de la théorie des jeux. Dans les cas du modèle pour la gloire, comme tu le montres très bien, disons, dans ta description, il y a cette espèce de dimension contradictoire d'une stratégie de strive for glory et de l'autre côté d'une irrationalité totale, enfin, de fragilisation, on devient plus fragile. Parce que je pense qu'il y a vraiment une dimension du phénomène qui, dans ces auteurs-là, n'est pas prise en compte. Enfin, Voilà, j'ouvrirai peut-être la discussion. Je ne sais pas si je t'ai lancé là, en citant tes travaux d'une façon un peu comme ça, peut-être hasardeuse, mais tu peux remettre tout ça en contexte avec ta grande analyticité et donner un sens à tout ça. Merci. Les philosophes, beaucoup. Tu sais, ils partent un peu tout dans toutes les directions. Ben peut-être avant que tu répondes aux questions de Gloria, on essaie d'en collecter quelques-unes d'autres, s'il y en a. Vas-y, vas-y, Olivier. Oui, c'est sur Bourdieu. Parce que je suis un peu étonné que vous citiez Bourdieu comme un exemple sociologique de cette conception stratégique de la reconnaissance. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait juste, parce que, bon, déjà, quand on voit ce que dit Bourdieu, par exemple, des classes populaires, il les montre comme pas du tout dans une position d'entrer en compétition pour accéder à la culture légitime, mais ils sont complètement hors jeu, ils sont complètement dominés, et ils n'entrent pas du tout en compétition pour accéder à la culture légitime. Et plus largement, il me semble que dans la théorie de Bourdieu, quand même, les dispositions des individus sont presque totalement déterminées par la position de classe. Donc, je veux dire, c'est quand même un schéma extrêmement déterministe. Donc, je vois pas tellement d'aspects stratégiques là-dedans. Et s'il fallait prendre un exemple sociologique, moi, je l'aurais plutôt pris du côté de Parsons. Oui. Là, il y a vraiment une théorie de la stratification sociale autour de l'honneur, du statut qui est lié principalement chez Parsons à l'honneur. Alors là, d'une certaine manière, on trouve, il me semble, peut-être une connexion sociologique. Enfin, du côté de Bourdieu, ça m'étonne un peu. Bon, vraiment, c'est périphérique de toute façon par rapport à votre exposé, et je laisse les spécialistes plus compétents réagir sur les aspects vraiment substantiels de votre propos. Je vais essayer de répondre pour l'instant. Peut-être Gloria, et puis on repart sur un autre. Alors, les trois questions que Gloria a posées. Tu voulais. Ah, voilà, donc. Je dois répondre. Peut-être d'abord à Olivier, si tu veux. Puis sur vous avez sans doute raison. J'ai accepté, peut-être de manière un peu immédiate, il y a un très important article d'Axel Honneth qui s'appelle The Fragmented World of Symbolic Forms, Reflections of Perduous Sociological Culture, qui finalement défend cette position, c'est-à-dire il réprouve le modèle stratégique fonctionnaliste et pour faire ressurgir les sciences à partir de la comparaison. Ça m'avait convaincu, donc probablement je l'ai accepté de manière immédiate. Et il est vrai que probablement, je retrouve finalement un modèle stratégique dans quelqu'un qui pense la question sociale comme un camp, un champ de bataille dans lequel on peut reconstruire des formes de une lutte pour le capital finalement. Donc c'est un modèle, c'est difficile de ne pas le décrire stratégique. Mais il est absolument vrai que dans sa conception des classes populaires, il y a une version de la normativité, c'est comme pour l'esthétique, dans la distinction. C'est-à-dire que c'est toujours quelque chose qui sort de la. Cioè, le modèle fonctionne quand il s'agit de décrire la théorie des élites. Lorsqu'on passe à la question de la vous avez tout à fait raison. Les classes populaires sont un peu hors jeu finalement. Vous avez tout à fait raison. Et je m'étais posé disons, j'avais vu la contradiction dans mon livre sur la question de l'esthétique sociale, où j'ai retrouvé les modèles stratégiques. Esthétique stratégique dans la théorie des élites de Bourdieu, c'est-à-dire que ce sont les élites qui utilisent l'art et l'apparence comme une forme de stratégie des classes dépourvue de toute valeur, disons, l'art ne compte rien, c'est juste un signe de manifestation dans l'espace public, tandis que pour lui l'esthétique populaire est l'esthétique vraie. La nature qui s'exprime dans la beauté plus simple, etc. Donc merci pour la. Je vais réfléchir et travailler sur cette remarque. Mais en fait, je pense que la remarque répond à des remarques aussi que j'ai fait sur. Vraiment, peut-être c'est presque un problème terminologique. En fait, l'usage vraiment du mot stratégique relève d'un paradigme déjà individualiste, disons. Rational choice, enfin, je veux dire. Et donc, et bien sûr, Hobbes est à l'origine de ce paradigme en termes de théorie du choix rationnel et d'utilité économique. Oui. Enfin, c'est clair qu'on se réfère à lui dans ça. Et il y a, disons, vraiment l'idée comment tu rentres dans un jeu, disons, des sociétés. Je sais comment, qui est le premier qui rentre. C'est un jeu, enfin, qu'on peut décrire avec les petits jeux. Et donc là, j'ai le même problème, enfin, c'est que vraiment chez Bourdieu, justement, tous ces choix sont déterminés par la classe. Sauf peut-être, enfin, les élites sont plus comme ça stratégiques, elles comprennent qu'elles peuvent utiliser ces biens symboliques, etc. Mais disons, elles aussi, peut-être, elles le font parce qu'elles sont des élites, parce qu'elles sont, disons, déterminées par leur. Oui, je dirais que la théorie de l'habitus fait que les deux choses se mêlent, parce que c'est la classe qui passe par l'intention individuelle de manière inconsciente. Donc, Justement. Mais ce qui reste, c'est une stratégie inconsciente. Oui, mais si tu veux tuer Hobbes et toute la tradition rationaliste, tu parles de stratégie inconsciente. Enfin, je sais pas, je pense que tout auteur qui vient du passé stratégique te dira que la stratégie... Non, mais là, probablement, il y a une question... Oui, c'est de la question de terminologie, et je pense que ça peut aussi répondre à la deuxième question que tu posais, celle qui concerne la question rationnelle et irrationnelle. Là, je redeviens un peu l'historien de la philosophie que je suis, et j'aurais tendance à te répondre en réutilisant les beaux livres de Arthur Richman sur les passions et les intérêts, là où il montre, là où il démontre que dans toute l'anthropologie philosophique moderne, il y a un noyau d'affectivité qui représente les mobiles fondamentaux des hommes, ce sont les mobiles qui suscitent, l'action, qui poussent à l'action, et qu'à un certain moment, et Hobbes fait partie de ces tournants, on démêle entre des passions qui sont plus complètement irrationnelles et des passions qui sont plus rationnelles, les passions de l'utilité contre les passions de la gloire dans ces cas. Et donc, chez Hobbes, ce qui arrive, c'est qu'il décrit de manière très réaliste quelle est la cause principale. La vanité humaine dans la conflictualité sociale, qui se mêle aussi à des raisons plus matérielles. Les deux choses vont ensemble et surgissent comme ça. Non. Après, il pense qu'il y a comme une contradiction immanente à la nature humaine, c'est-à-dire que les hommes finissent pour ne pas obtenir les biens primaires de la conservation de soi, parce qu'une de ces passions est trop forte et nous conduit même à la mort et au risquer la mort. Et donc là, il est comme nécessaire une sorte de conversion intérieure, de comprendre qu'il faut faire, il faut utiliser l'utilité contre, pour éduquer la gloire. Et ce sera c'est finalement les contrats sociaux qui fait ça. C'est la peur de mourir qui nous amène à renoncer au droit, etc. Donc, je dirais qu'on pourrait répondre de cette manière. Et une toute dernière réponse rapide sur la question de l'estime de soi et de l'estime qui est donnée par les autres. Alors, Hobbes, ça fait partie vraiment de sa décision anthropologique fondamentale, pense que toute la reconnaissance vient des autres, qu'il n'y a aucune source intérieure de l'estime de soi et de l'auto-approbation. Là, on peut comparer Hobbes avec, par exemple, les modèles successifs de Jean-Jacques Rousseau, qui va critiquer exactement ce point, et qui fonde, il l'appelle l'amour de soi et l'amour propre, mais pour lesquels l'amour propre, comme chez Hobbes, c'est ce qu'on cherche dans les regards des autres, l'estime qui nous vient de la reconnaissance d'autrui. Mais selon Rousseau, et là c'est c'est l'originalité de son modèle, il y a aussi une source intérieure qui est les sentiments d'exister et d'exister indépendamment des autres, qui nous rendrait libres, qui nous permet de nous auto-évaluer et de nous soustraire à la conflictualité sociale. Cela dit, tout ça, les choix de Rousseau est au prix de l'invention de l'état de nature où les individus sont complètement séparés des autres et n'ont pas conscience de l'existence. Donc, il y a une forme de fiction anthropologique derrière cette idée. Mais il est vrai que toute une partie de la théorie de la philosophie morale se fonde sur la possibilité, à partir des stoïciens et de la tradition classique, de retrouver une forme d'équilibre intérieur qui nous permet de balancer la dépendance des autres, de ne pas dépendre totalement de l'estime sociale, parce que sinon, tandis que Hobbes, il est vraiment radical, comme toujours sur ce point, il dit que en utilisant la métaphore du marché, que les prix d'un homme, c'est-à-dire sa reconnaissance, est le prix qui lui est attribué par disons comme sur les marchés, par les autres. Ouais. C'est-à-dire, il peut avoir toute l'estime qu'il pense avoir pour soi-même, mais son véritable, valeur, sa véritable valeur est celle l'acheteur va lui attribuer. Donc, il n'y a pas. Il n'y a que de la vaingloire, dans un certain sens, qui est le désir de se penser, mais il n'y a aucune forme d'équilibre qui soit. Mais c'est un problème de son. C'est un des choix de son modèle, donc de points qui vont devenir problématiques quand on essaye de les développer dans une perspective morale ou politique. Vincenzo, puis. Oui. Alors, bon, sans aucune flagornerie de ma part, je vais vous dire que j'ai beaucoup apprécié votre exposé. Merci. J'ai beaucoup appris. Et notamment, en fait, comme beaucoup de non-philosophes, je croyais, j'ai toujours cru que les théories de la reconnaissance contemporaine sortaient tout droit de la philosophie allemande, évidemment, de la phénoménologie de l'esprit. Et là, vous faites bien de nous rappeler qu'en fait, peut-être pour la reconnaissance, mais pour la réputation, il y a des choses beaucoup plus anciennes. Et si on creuse, beaucoup plus anciennes qu'à l'époque moderne, si on remonte même à la pensée grecque, oui. Et vraiment, il y a une philosophie de la réputation, notamment autour de la question de l'honneur. Oui. Et en plus, c'est une question qui énerve un peu l'histoire de la pensée et des traditions sociétales, y compris dans les sociétés méditerranéennes. Toute anthropologie des sociétés méditerranéennes se base sur la logique de l'honneur. Ce qui, peut-être, pourrait mettre un bémol à la remarque que vous avez faite en passant sur la futilité de certains biens, comme l'honneur, c'est pas futile. Et les gens sont prêts à se tuer parce que c'est le capital symbolique suprême, notamment en cas d'alliance matrimoniale. Si en face, de l'autre côté, il n'y a pas le même montant d'honneur, qui pourrait même être objectivé, non pas par les biens, mais aussi par la fille qui est échangée, donc sa virginité, oui. Le mariage n'est pas contracté. Et on peut même aller jusqu'à se tuer et même introduire des formes de mauvaise réputation pour casser les alliances. Et ça m'amène, en fait, ça m'entraîne à une question sur, justement, les actes de malveillance qui sont sciemment introduits pour abaisser la réputation de l'autre, et en particulier la calomnie. Nous, bien sûr, la calomnie était une stratégie très très forte dans les sociétés paysannes, pré-industrielles, pour réguler le jeu des alliances. On en parle très peu, mais les anthropologues l'ont montré. Et alors, évidemment, comme nous avons tous en tête à l'œuvre du barbier de Séville, de Rossini, il y a un air magnifique, l'air de la calomnie. J'ai beaucoup apprécié que vous disiez que ces formes de réputation ont une consistance physique. En effet, dans cette terre, on parle de la calomnie comme un petit vent, un petit air qui devient une tempête et qui s'impose dans toute une force sonore, acoustique, et qui fait qu'à un moment, elle emporte tout individu parce que, tout, évidemment, on ne peut pas arrêter ces formes physiques. Alors ça, c'était un peu une remarque liminaire. Oui. Puis j'avais une deuxième. Un peu en me concentrant sur l'idée, parce que vous nous invitez, de la forme suprême de réputation, qui est la gloire. La gloire n'est pas une réputation comme les autres. Alors, puisque Hobbes est un philosophe du politique, mais du politique de l'État moderne, il faut peut-être le déplacer un peu et essayer de voir comment fonctionne le mécanisme de la gloire dans des sociétés précédentes. Alors, en vous écoutant, je me suis demandé, que pensez alors de la recherche de la gloire pour la fabrication des grands hommes, big men, comme on les appelle l'anthropologie politique. Et on en trouve des exemples suprêmes dans des structures impériales comme Rome. La recherche de la gloire est un mécanisme de régulation politique pour faire en sorte que l'extension du territoire soit quasiment infinie si tout l'individu, donc le général romain à qui on donne le triomphe, est capable d'annexer un territoire. Mais c'est une forme très ambivalente d'extension, donc to magnify, de rendre plus grand le pouvoir impérial, parce que ce faisant, ces individus prennent trop de pouvoir et peuvent donc mettre l'État en péril puisqu'ils deviennent les dictateurs. Bon, voilà. Donc, que pourrait penser un philosophe comme Hobbes, qui d'abord, en vous écoutant, je me rends compte que vous avez dit que c'est un philosophe de la paix plutôt que de la guerre, puisque son souci d'éviter la guerre par des formes, disons, absolues de pouvoir, qu'aurait pu penser un philosophe comme Hobbes de cette tentative, de cette forme très, très, très ambivalente et très déchirante de grands hommes qui, à un moment, sont au service de la République et, en même temps, arrivent jusqu'à la renverser parce qu'ils poursuivent, non pas leur gloire, mais la gloire de l'État. C'est qu'un paradoxe total pour une structure impériale. Voilà. Merci. Pierre-Marie. J'ai à peu près 6 questions, mais comme c'est trop, je vais en choisir 3. Et si on a le temps, je dirai 3 secondes après. Alors, première question, c'est sur la définition de la réputation que vous donnez dans votre introduction. Pourquoi restreindre le sujet ou la cible de la réputation à l'individu, donc la réputation que porte sur la valeur d'un individu, sachant que la réputation peut concerner une organisation, une institution, un territoire, etc. Alors, et ça, la question, elle peut être un peu historicisée, c'est est-ce qu'on n'a pas de plus en plus intérêt aujourd'hui à considérer que la réputation se joue à des échelles, notamment organisationnelles, institutionnelles, avec des multiplicités d'entités, en fait. Et donc là, c'est la première question, pourquoi cette restriction? Et à mon avis, c'est parce qu'en fait, la question de la reconnaissance est souvent pensée à l'échelle individuelle, tandis que celle de la réputation mérite justement d'être pensée à l'échelle d'organisation. Mmh. Parce que la reconnaissance implique l'idée peut-être d'identité, et qui est notamment qui se joue mal à l'échelle individuelle. Deuxième question, c'est sur alors, une sorte de tension, peut-être pas une contradiction, mais une tension, entre deux échelles d'analyse, l'échelle de l'interaction et l'échelle, on va dire, plus macro-sociale de ce qui est appelé dans le texte l'espace public, on va dire. Vous définissez la réputation par rapport à l'échelle de l'interaction, c'est-à-dire que les, que porte sur la valeur d'un individu ses partenaires dans l'interaction. Alors pourquoi cette définition restrictive, en fait, de la réputation définie par rapport à l'interaction, sachant que la réputation peut se construire au-delà d'interaction à d'autres échelles, notamment dans l'espace public, et notamment que la réputation peut précéder le cadre de l'interaction. C'est-à-dire que la réputation nous précède et avant l'interaction, il y a une réputation qui circule, qui peut être construite en dehors de l'interaction qui nous concerne, et du coup en dehors des partenaires de l'échange, en fait, en dehors des partenaires de l'interaction. Du coup, il y a, je pense, une tension analytique, mais qui est présente dans la plupart des pensées, en fait, de la réputation, c'est comment penser l'échelle de l'interaction et l'échelle, on va dire, plus macro, hein, de l'espace public, par exemple. Mmh. Et moi, je vois deux liens. Un lien, en gros, c'est comment des signes d'honneur, pour reprendre le vocabulaire, produits dans l'espace public, par exemple des signes institutionnels, un diplôme d'une grande école, comment des signes d'honneur produits dans l'espace public, donc à l'échelle macro, peuvent jouer dans l'interaction. En l'occurrence, quand on recrute quelqu'un, on peut prendre un diplôme comme un signal pour choisir de recruter ou pas quelqu'un. Donc dans une interaction de face à face, on s'appuie sur le signe produit dans l'espace public, donc on s'appuie sur l'institution. Donc je pense que dans les interactions, on s'appuie sur des signaux produits dans l'espace public, et en même temps, il y a certaines interactions qui vont contribuer elles-mêmes à produire de la réputation, du statut, etc. Et donc il y a pas mal de travaux, notamment, enfin, je pense, dans nos cas, qui s'intéressent à la façon dont des interactions sociales participent à produire, à générer du statut. Donc à mon avis, donc il y a une boucle, effectivement, analytique entre les deux, et c'est pas évident toujours de penser ces relations. Je me demandais chez Hobbes, qu'en est-il de cette tension? Alors évidemment, dans ce vocabulaire-là, ça n'existe pas, mais qu'est-ce qu'on peut reconstruire? Et troisième question, c'est un point qui m'a intéressé dans le texte. Il y a un petit passage sur les guerres non explicites ou les mécanismes moins explicites de guerre, de conflit, parce que bon, la guerre est omniprésente, etc. Et en même temps, il y a un petit passage sur le fait que chez Hobbes, il y a quand même des moments conflictuels, agonistiques, qui ne sont pas vraiment explicites, notamment ça passe par des petits mots, etc. Alors ça m'a pour le coup beaucoup fait penser à Bourdieu, sur le fait que des mécanismes de domination, de conflictualité, passent parfois par soit des mots de langage, des gestes, des attitudes corporelles, tout un tout ce que Bourdieu appelle les rites d'institution, donc il y a un texte sur les rites d'institution qui fait beaucoup penser à des passages de Hobbes là-dessus, et là-dessus je pense qu'il y a une proximité entre Bourdieu et Hobbes. Et donc par rapport à ça, c'est qu'à mon avis, il y a un truc important, c'est que, en fait, il y a beaucoup de mécanismes invisibles, de mécanismes réputationnels invisibles, en fait, et qui n'apparaissent pas sous la forme d'une lutte directe, quoi. Et notamment, en gros, tous les mécanismes d'autocensure qui fait que cette compétition généralisée, en fait, ce n'est pas une compétition généralisée entre des gens qui luttent pour la réputation, c'est, je rejoins la remarque du coup d'Olivier tout à l'heure, c'est que, notamment dans le champ scolaire, par exemple, beaucoup de gens qui ne vont pas se présenter à des concours, par exemple, donc qui ne vont pas faire partie des prétendants, qui ne vont pas aspirer à, qui ne vont pas se présenter par des mécanismes d'autocensure, et du coup, il y a des mécanismes invisibles qui font qu'ils ne font pas partie du jeu, en fait, du jeu de concurrentiel. Et du coup, je me disais, voilà, ces mécanismes non explicites, c'est non seulement des mots, des petits gestes, etc., mais c'est aussi ce genre de mécanismes psychologiques d'autocensure qui peuvent circuler. Oui, c'est difficile, merci. Je vais essayer de répondre à challenging. Sur la question de la futilité, ce sont des mots de Hobbes. Celui qui parle de frivole, probablement parce que aussi le. Oui, parce que son problème est toujours de les grands problèmes de la mort et de la guerre mis à côté de quelque chose qui par rapport à ça. Mais finalement, comme vous avez très bien dit, des petits mots et des petites choses concernant l'honneur peuvent avoir la capacité de déclencher la conflictualité, mais aussi vraiment de construire l'identité et donc de faire. Et mise à mort, parce qu'il y a derrière l'honneur toute une thanatologie connue dans la société, pas que méditerranéenne. Et sur la question de la calomnie, de la diffamation dans leur composante, dans leur nature sensorielle, et c'est disons la perspective que j'ai essayé de développer dans mes travaux successifs. Donc l'esthétique sociale est vraiment ça. C'est pas la sociologie de l'art, mais c'est comment l'espace social et la réalité sociale est construite d'objets qui ont une nature sensible. Comme les sensibles fait partie de la médiatisation de l'espace social, et la réputation et toutes les formes de réputation passent à travers et sont des biens immatériels qui ont besoin d'exister sous forme sensible. Et sur la question de la gloire ancienne et de la gloire de moderne, je ne sais pas ce que Hobbes répondrait. Il y a d'abord la possibilité de transposer tranquillement son modèle à la politique internationale. Donc la politique de prestige, finalement, est une politique de la gloire entre les États. Donc dès qu'on neutralise l'état de nature au niveau individuel, on passe à un nouveau état de nature au niveau international. Et là, on a le même. Et avec ça, je réponds aussi à la question des individus. Parce que c'est une faute, disons, je n'ai pas précisé, je n'ai pas fait attention à penser au fait que l'individu est aussi peut-être un groupe qui a le même souci, et qu'aujourd'hui, évidemment, toute la question de reconnaissance des minorités et aussi de politically correctness sont liées finalement à ce genre de dimensions. Alors, la gloire des anciens et des modernes, donc il y a aussi les côtés internationaux, des macro-gloires, et aussi Hobbes. Ce qu'il fait, et là je réponds à une historienne, il démocratise ce que pour les anciennes, et aussi pour la culture baroque, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il écrit, il est un contemporain de Corneille et de Shakespeare presque, donc pour lui la question de la valeur de la gloire est très, très présente, ça fait partie de la culture de son temps, mais par rapport à cette forme et tradition, Corneille et Shakespeare, là où la gloire est quelque chose de grandiose, une forme de grandeur, donc c'est-à-dire c'est l'inspiration en forme d'objectif. Il faut faire des grandes choses pour obtenir une grande gloire. Voilà. Il y a un exploit objectif, tandis que pour lui, c'est une vanité. Là, j'ai sauté la partie de mon paper où je démontrais finalement Hobbes appelle gloire ce qu'il devrait aussi appeler vaingloire ou vanité. C'est-à-dire pour lui, c'est comme il n'y a pas. La vision hiérarchique objective du bien s'est écroulée pour lui, qu'il ne reconnaisse pas. Il n'y a que la volonté subjective d'obtenir quelque chose. Et là, il faut avoir l'attestation des autres. Donc c'est toujours un jeu à deux. Et surtout, la gloire n'est pas la caractéristique ou les privilèges d'un nombre limité d'individus, qui sont les grands hommes, les hommes avec des qualités supérieures, mais c'est la qualité de tout le monde. C'est la passion la plus diffusée du monde, à son avis. Donc, de ce côté, c'est vraiment la vanité au sens de la pensée augustinienne qui donc est une forme d'instabilité, des manques comme constitutif de la nature humaine. Donc il appelle gloire quelque chose de plus moderne parce que là probablement il faudrait s'interroger sur le choix terminologique, mais probablement c'est dû à sa formation classique et aussi au fait que les mots ont une forme de... Donc là il faut toujours faire attention à distinguer la terminologie spécifique d'un philosophe avec ce que nous on considère comme la définition plus naturelle d'un phénomène. Dans ces cas, il y a une forme de tension. C'est-à-dire, nous, on dirait vanité, on dirait amour propre, et Hobbes l'appelle gloire en utilisant un mot qui, pour nous, est quelque autre chose. Je reviens à la deuxième liste de questions. Donc, la question des groupes et des individus, j'essayais de répondre, c'était une distraction. sur la question de la, oui, de ce qui, dans la, disons, dans l'économie de la réputation, précède l'interaction présente. Évidemment, il y a cette dimension historique. Moi, j'aurais tendance à la définir avec un concept hegelien, qui est celui d'esprit objectif, que j'aime beaucoup. C'est-à-dire, l'interaction produit sociale, produit des valeurs, comme la réputation, la reconnaissance sociale, qui ont la capacité de persister au-delà de l'interaction immédiate, de se reproduire et de persister dans le temps aussi. Et ça, c'est la tradition. Évidemment, quand on entre dans un jeu, on trouve déjà des hiérarchies et des biens qui sont déjà situés dans l'espace public et qui forment qui ont la capacité d'exercer des pressions. Il est vrai que Hobbes ne pense pas ça parce qu'il n'a aucune conscience, disons, dans son système, la question de la tradition ne pose jamais des problèmes. Donc il y a toujours les individus avec leur interaction immédiate. Il répondrait, il n'aurait pas, pour lui ce n'était pas un problème, mais c'est, pour la théorie contemporaine, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a encore quelque chose, j'ai oublié? Non, c'était sur la définition de réputation, peut-être. C'est une remarque sur c'était sur les mécanismes non explicites de guerre, qui faisaient l'autocensure, qu'on n'était pas. En vous écoutant, j'étais très d'accord. Ouais. J'ai pas pris des notes, mais je me disais que oui, c'était une remarque tout à fait pertinente. Qui encore une fois, disons, chez Hobson. Dont Hobbes n'était pas compte, mais qui disons, s'ajoute comme un complément fondamental à son modèle. Bon, je vais peut-être faire une remarque aussi. Il se trouve que j'avais également 6 questions. Hein. C'est intéressant. Si Denis a fait contrôler que j'ai un 6 là. Bon, c'est très gémasse. Je ne sais pas, c'est intéressant. Le standard. Je me limiterai juste à une question, une remarque des 6. Mais d'abord, je voulais faire une petite remarque au sujet de l'échange entre Olivier, toi et Pierre-Marie, concernant en quelque sorte la matrice sous-jacente en termes de théorie de l'action chez Hobbes et chez Bourdieu. Je pense que essayer d'argumenter que chez Bourdieu ou chez Hobbes il y a une matrice théorique rationnelle plutôt que quelque chose de différent, c'est mal poser la question, en fait. Parce que dans tous ces grands auteurs qu'on peut critiquer, mais en tout cas tous ces penseurs très profonds du social, on trouve toujours les deux aspects. On a évidemment une matrice rational choice stratégique chez Hobbes, mais il y a des interprètes qui ont défendu cette... Mais comme tu cites même dans ton article, il y en a d'autres, comme Pitzhorn par exemple, qui ont insisté sur les aspects intersubjectifs ou transsubjectifs de la pensée de Hobbes, en niant que chez Hobbes, ce soit le principal fondateur ou l'un des fondateurs du paradigme actionniste. Ouais. Et chez Bourdieu, c'est la même chose. Tu as des auteurs qui ont essayé de défendre l'idée que c'est un rational choice theorist, comme Alain Caillé en France, et tu en as d'autres, évidemment, qui en font, comme Olivier, par exemple, là, un auteur. Donc, je pense, en fait, que dans ces grands auteurs, il y a les deux matrices qui coexistent selon les problèmes qu'il traite, les œuvres. Donc je pense que voilà, ce qui est une bonne chose, parce que devant tel auditoire tu défendras telle thèse, et quand tu viens ici tu diras que c'est un terminaliste, et quand tu iras à l'école de tes études tu diras que c'est un, et donc c'est très bien comme ça, voilà. Voilà, donc c'était juste une remarque pour dire que je pense que c'est une utilisation pragmatique, mais enfin du point de vue de l'histoire des idées, hein, il y a évidemment plusieurs interprétation possible, et je pense qu'on peut, sur le plan vraiment des œuvres, on peut démontrer que les différents éléments coexistent dans ces grands auteurs. Je peux ajouter une chose, probablement aussi j'ai tendance à faire l'erreur complémentaire à ce que normalement font les théoriciens sociaux en remontant aux sources de l'âge classique. Normalement, je trouve avec ma compétence majeure sur les auteurs classiques, que les interprétations rétrospectives sont toujours un peu limitées, que Hobbes ne se réduit pas à la théorie, toute la tradition d'interprétation de Hobbes qui l'a tiré vers la théorie de l'âge de choix rationnel qui semble limité par rapport au texte. Et probablement j'ai fait l'erreur spéculaire en interprétant Bourdieu avec les catégories d'un auteur fidèle de la philosophie. Je peux intervenir aussi, parce que peut-être mon opposition c'était pas vraiment entre théorie du choix rationnel d'un côté et approche intersubjective de l'autre côté. Parce que tu prends, par exemple, tu viens de citer Buitzorn. Buitzorn est typiquement quelqu'un qui, un auteur qui est très à l'aise dans les deux, d'une certaine façon. Enfin, tu ne pourrais pas dire, non, il n'est pas... C'est plutôt, disons, l'opposition entre dire, bon, la réputation relève d'une stratégie intersubjective, mais qui est construite au niveau... justement de deux individus ou de plusieurs individus, mais n'est pas imposé par une institution, par exemple, ou bien la réputation est donnée, comme dans les mondes anciens, je ne sais pas, par les institutions. Donc, ce type a cette réputation parce qu'il a ce diplôme, cet autre. Donc, c'est la société qui crée, disons, l'asymétrie sociale et la hiérarchie sociale. Ce n'est pas l'échange intersubjectif qui crée l'asymétrie sociale. Donc, quand je parle, bien sûr, des stratégies, je pense que ce qui est intéressant chez Hobbes, ce que tu montres, que ce paradigme, disons, d'interaction mais stratégique, enfin, est présent chez Hobbes. Et moi, justement, j'étais un peu étonné avec le parallèle avec Bourdieu, mais tu me dis qu'il y a les deux interprétations dedans. Par exemple, sur Pizzorno, je vois très bien. Là, sur Bourdieu, je suis ignorante peut-être, donc je le sais. Je connais moi, j'avais la tendance à aller dans votre sens et voir plus clairement l'interprétation, disons, de Bourdieu plus déterministe, ou paf, disons, c'est la société qui nous impose nos stratégies, au fond. Mais tu me dis, par exemple, il y a un auteur que tu cites, Alain Caillé, qui a interprété Bourdieu de cette façon. Bon, je vais regarder ça. Il y en a d'autres, mais enfin, c'est ça. Mais quand même. Mais c'était juste une remarque. Je trouve une chose peut-être que j'avais oublié, qu'il y a... Tu n'aurais pas dû faire cette remarque. Tu n'aurais pas dû. Mais c'est pour répondre à la question. Tout le monde s'excite, mais enfin, on s'en fout. C'est pour répondre à la question pourquoi Bourdieu. Je n'arriverai même pas à la deuxième question. Et Bourdieu a écrit les méditations pascaliennes, et s'il y a un obsien pur et dur, et c'est Pascal. Donc il y a aussi, quelque chose qui prouve que dans sa lecture, sa proximité au paradigme classique. Finalement, la pensée sur l'imagination qui inspirait les méditations pascaliennes, celle sur les hermines, sur la représentation, disons, esthétique du pouvoir, est une pensée qui est très influencée par la connaissance directe que Pascal avait de Hobbes, et qui est imbibée de cette anthropologie de l'amour propre et de la vanité qui faisait partie un peu, c'était un peu le lieu commun de tous les philosophes modernes de cette époque, et qui, dans laquelle, ce qui est intéressant d'un point de vue historique, il y avait un côté augustinien qui s'est mêlé avec Hobbes, qui est un naturaliste qui n'a rien à faire avec une anthropologie religieuse. Ils ont reconnu, les Français de matrice augustinienne, ils ont tout aussi reconnu qu'il décrivait la nature humaine de la même manière, et donc ils ont fondé les deux. Mais donc je pense qu'on pourrait essayer de justifier cette proximité avec sa découverte de Pascal. Il s'est reconnu chez Pascal, donc probablement, même s'il n'a pas fait, ils auraient parce que la lecture symbolique de Hobbes n'est pas très diffusée, donc il faut dire ça, que tandis que chez Pascal le thème est très explicite, c'est rare de le voir rangé parmi les théoriciens du symbolique, du pouvoir symbolique. Mais je fais la deuxième remarque qui intéressera moins que la première. Mais, donc, la deuxième remarque porte sur, en quelque sorte, l'actualité du modèle de Hobbes pour essayer de réfléchir ou éventuellement modéliser les mécanismes sous-jacents, les hiérarchies de prestige. Alors, de ce point de vue, il y a quelque chose d'intéressant qui est, selon moi, la contradiction fondamentale de ce modèle. Dans un passage d'un article, tu dis très justement que, selon Hobbes, il ne peut pas y avoir cristallisation de hiérarchie. Et d'ailleurs, la solution qu'il propose pour qu'il y ait une hiérarchie, c'est l'imposition de ces hiérarchies par l'autorité étatique. Et tu fais le rapprochement ensuite avec les théories de la distribution démocratique, de l'estime publique, etc. Et pourtant, nous savons, il suffit d'observer la vie sociale, que des hiérarchies locales émergent, se cristallisent et stabilisent. Le monde académique, un exemple. Hein, il y a des hiérarchies locales qui émergent, que les individus plus ou moins acceptent, sur le court terme, au moyen terme, les acceptent, peuvent les critiquer, mais les hiérarchies existent. Alors, la contradiction est la suivante. Les assumptions microscopiques du modèle de Hobbes, on sait aujourd'hui qu'elles sont réalistes. Il y a tout un tas de travaux en psychologie sociale qui montrent que le désir de la reconnaissance et tous les mécanismes associés au fait d'être blessé dans la reconnaissance ont une vraie valeur empirique. On a la preuve que certaines des assumptions microscopiques sont empiriquement fondées. Mais les conséquences macroscopiques qu'on devrait tirer du modèle de Hobbes, elles ne sont pas validées parce que, selon lui, on devrait tirer de ce désir de reconnaissance une lutte constante sans cristallisation de hiérarchie, alors que nous savons que. Et je pense que le point fondamental, c'est précisément ce que disait Gloria, c'est que le modèle est vide du point de vue des mécanismes qui pourraient rendre compte de la genèse des hiérarchies. Et il y en a un, à mon avis, qui manque, et qui est la grande originalité, de, par exemple, de Roger Gould, c'est qu'il n'y a pas un mécanisme qui balance la dynamique de lutte pour les connaissances. Et s'il n'y a pas ce mécanisme, il ne peut pas avoir cristallisation. Parce qu'évidemment, les individus sont dans une lutte constante pour essayer de défendre leurs propres valeurs, éventuellement en regardant ce que les autres ont dit des autres, mais il n'y a pas un mécanisme qui contrebalance cette. Et donc, il n'y a pas stabilisation, du moins locale. Alors aujourd'hui, nous pouvons construire, par simulation, ce genre de choses. Et donc prouver de façon rigoureuse qu'il y avait quelque chose qui manquait dans ce modèle, même si l'assumption principale, le désir de reconnaissance, psychologiquement, elle est réaliste. Ouais. Je pense que le vrai problème, c'est cette contradiction entre le réalisme de l'assumption microscopique et l'irréalisme des conséquences endoscopiques, parce qu'il y a des choses qui manquent, notamment un mécanisme qui contrebalance. Puis il y a d'autres choses qui manquent, par exemple l'incertitude, l'hétérogénéité, etc. Ouais. Mais non, ça serait plutôt, je pense que pour réfléchir à l'actualité de Hobbes, pour des sociologues aujourd'hui, il faudrait plutôt partir de ce paradoxe, on dit, puissant sur le plan micro, mais du point de vue macro. Donc pourquoi Je suis tout à fait d'accord, et tellement d'accord que finalement la décision que je prise très récemment, c'est de vraiment développer ce travail qui essaye de mêler, de connecter la contemporanéité avec la pensée classique sous la forme de l'anthropologie philosophique et non de la théorie sociale et la sociologie. Parce que je suis effectivement d'accord sur le fait que ce que tu appelles les microscopiques et les macroscopiques, il regardait une société qui était tout à fait différente de la nôtre, et il concevait les passages à l'état absolu avec sa capacité de créer des hiérarchies sans état intermédiaire, sans groupe intermédiaire, de manière très différente. Et que ce qui est valable, c'est finalement la description du désir immédiat de reconnaissance, donc de la cette composante anthropologique primaire, et de la capacité des sociétés de rapport d'interaction de nature particulière. Et après, il faut adapter et retravailler les modèles pour les faire évidemment marcher dans l'explication des sociétés plus complexes. Tandis que ce qui m'intéresse, c'est la. Je pense qu'il y a toujours une base anthropologique derrière les théories, et que c'est là que des intuitions du passé sont encore très, très pertinentes. Je suis d'accord. Merci. Il y a encore 4 questions. Non, mais je ne les ferai pas. Je ne ferai rien privé. Je ne vais pas monopoliser la discussion. J'ai une question par rapport à ce que tu dis, mais. Par exemple, Vincenzo qui rappelle que on a ces problématiques déjà depuis l'Antiquité, évidemment, de compétition pour les biens symboliques. Et par exemple, si on regarde l'histoire de l'allégorie de la caverne, ce que nous montre Platon, c'est ces faiseurs d'illusions qui vont tromper. Des individus qui ont des œillères et qui sont en pleine compétition pour des biens symboliques. Bien sûr, l'histoire de l'allégorie, c'est ce besoin de la philosophie, ce besoin de quelque chose qui nous élève, une quête de sens vrai, qui finalement, si on l'atteint, si on. Rend toutes ces batailles, nous rendent ces luttes complètement vaines, finalement, fait que celui qui aura vu l'image du bien préférera être un serviteur plutôt que de reprendre un petit peu, et ne sera pas compris de ses congénères donc, qui vont le tuer, aller jusqu'à le tuer parce qu'ils seront toujours dans leur petit monde faux et vain. Donc, on a quand même déjà cette représentation finalement que Hobbes va généraliser, mais la solution qu'offre Platon, c'est ce bien. Alors est-ce que quand vous justement vous dites Hobbes constate que la vision d'un bien objectif s'est écroulée, est-ce que c'est finalement ça la cassure qui justifie son modèle et l'émergence et sa vision d'émergence de la modernité comme... ouais. C'est ça. Ah oui, c'est absolument ça. Et là, je pense que toute la historiographie est d'accord sur cette lecture. Parce que c'est la théorie du droit naturel, donc du fait que les êtres vivants, finalement, la loi n'est pas inscrite dans la structure objective du monde et du cosmos, comme dans l'Antiquité. Tous les penseurs partageaient cette intuition. Chacun l'a développée dans sa manière, les stoïciens comme ça, Platon d'une autre manière. Mais il y avait un monde des lois et l'homme se bougeait à l'intérieur, se déplaçait à l'intérieur de ce monde et la vision du bien était théologique. Chez Aristote, dans la théorie de l'honneur par exemple, aurait quelques proximités avec la théorie de Hobbes, il y a une différence fondamentale que le bien est quelque chose qui existe au-delà de nous, tandis que pour Hobbes le bien est une projection du désir individuel. Donc, ce que je désire n'est pas la même chose que Gloria désire, etc. Et donc, l'impossibilité d'établir des normes au-delà de la construction d'un contrat et de la négociation. Et quelle est comment on peut expliquer ce que Hobbes traduit le bien de cette manière? Quelle est la cassure? Est-ce que c'est déjà l'intuition de toute de la pensée évolutionniste qui va émerger? Est-ce que c'est un naturalisme un peu anticipé Oui, ça. Disons que là c'est une véritable question pour les rapports entre, disons, anthropologiques, l'histoire de la philosophie classique et sciences modernes. La théorie du conatus, qui est partagée par Hobbes et après par Spinoza de manière encore plus radicale, probablement, est reconnue par les darwinistes comme la même base de leur vision de la vie. Et que donc, avec leurs outils, qui nous semblent datés, les philosophes avaient compris. Il comparait la vie animale avec la vie des hommes, mais il y a une source classique qui derrière ce changement, j'avais oublié de le dire, c'est-à-dire Hobbes n'est pas un novateur total, il récupère et réinterprète la tradition épicurienne, qui était la seule dans l'Antiquité qui, contre cette vision objective hiérarchique du bien, avait insisté sur les côtés, disons, sur cette vision naturaliste et un peu biologique de l'être humain. Donc il y a au début du XVIIe siècle, il y a ce retour, cette redécouverte de la tradition épicurienne qui est réinterprétée de manière individualiste et qui ressurgit et qui devient la base de la nouvelle philosophie naturelle, surtout de philosophes comme Hobbes et Spinoza qui sont considérer un peu le novateur. Mais je pense que c'est tout à fait ça. Et c'est pour cela qu'on peut dire qu'il y a finalement quelque chose de... J'aime pas normalement le moderne, ce qui n'est pas moderne, mais que s'il y a une rupture, ça correspond. Leo Strauss, qui a beaucoup réfléchi sur l'essence de la modernité, hésitait toujours entre Machiavel et Hobbes. Pour la même raison finalement, parce que chez Machiavel aussi on trouve une théorie stratégique du pouvoir et une vision très réaliste de la nature des hommes. Selon Leo Strauss, ce qui faisait la nouveauté de ces deux pensées, disons, d'une manière, Machiavel un peu précède Hobbes, donc on ferait remonter plutôt la Renaissance italienne qu'à la philosophie systématique et naturelle, mais ça ne change pas la nouveauté anthropologique, que c'est ça. On est passé à une description de l'homme qui est fondée sur les passions médiocres et celles qui sont partagées par tout le monde, tandis que l'anthropologie des anciennes était fondée sur les passions nobles, qui était c'est-à-dire les choses que les grands ont. Et c'est sur ça qu'on fonde la description et la philosophie morale. Tandis que pour les modernes, le souci réaliste de décrire ce qui arrive vraiment dans la réalité sociale, c'est de dire, des grands, il y en a très peu, peut-être il n'y en a pas. Ce qu'il y a chez tous, c'est l'intérêt économique, la volonté de se préserver, et aussi la vanité et le désir d'honneur. Donc on fait un décalage brusque, ce qui permet finalement de regarder, et d'une certaine manière c'est très démocratique, parce que ça permet finalement de voir qu'il y a un minimum dénominateur commun derrière, tandis que la pensée classique avait tendance à voir les hommes classés par... Il y avait pas beaucoup à faire entre quelqu'un qui est un noble, un aristocrate et un serviteur, qui n'était pas même l'objet d'une philosophie morale. Tandis que pour les modernes, c'est l'homme en tant que tel, et dans sa médiocrité. Et qu'il faut avoir le courage de le dire, parce que sinon, tous les deux sont des penseurs politiques et qui font face à la guerre, à la question de la résolution des conflits. Donc, ils ont besoin d'une philosophie efficace qui ne soit pas édifiante, mais qui fonctionne. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? On va peut-être juste rebondir sur une de tes questions. Sur l'actualité de Hobbes par rapport au modèle sociologique de la réputation de statut, tu as dit que Hobbes n'avait pas vraiment donné de piste pour penser notamment l'incertitude et l'hétérogénéité. Tu as dit, on va pas. Donc, effectivement, c'est pas ultra présent, alors on peut essayer de voir donc, qu'est-ce qu'il y a quand même là-dedans qui peut permettre de penser ça. Et notamment, moi, je pense qu'il y a un passage où vous expliquez. Alors là, c'est plus dans le rapport à la connaissance de soi, c'est page 10, où vous dites qu'il n'y a pas. Un ordre absolu, un ordre normatif absolu par rapport auquel l'individu peut évaluer sa propre valeur. Ça c'est une réponse aussi à la dernière question. Ouais, donc du coup ça veut dire qu'il y a une relativité fondamentale des critères permettant de hiérarchiser les individus. Et donc il y a une pluralité en gros des critères de hiérarchisation. Donc il y a l'hétérogénéité et de l'incertitude sur comment du coup s'évaluer s'il y a une pluralité de critères de hiérarchisation, etc. Il y a aussi peut-être un deuxième niveau de la certitude, c'est le fait que si, en gros, on est dans un monde de lutte pour la reconnaissance un peu généralisée, etc., donc c'est un monde d'épreuves, enfin d'épreuves de comparaison, au sens de la sociologie pragmatique, et du coup, dans l'épreuve, il y a toujours l'incertitude de ce qui va se passer pendant l'épreuve et du résultat. Ouais. Voilà, donc c'est deux... aussi la relativité de résultat. Ouais. Bon, c'est deux éléments qu'il y a dans le texte qui pourraient permettre de penser ça. Si, de toute manière, ce qui vraiment aussi représente une rupture sur la conception de la valeur sociale du moi, c'est que tandis dans un univers classique, il y a des valeurs qui sont dans le ciel, qui sont objectives, et l'individu se mesure dans sa capacité de les rejoindre. Donc, la mesuration est partagée par tout le monde. On peut faire des hiérarchies entre les personnes qui ont du courage, qui n'ont pas. Tandis que chez Hobbes, c'est comme dans les marchés. La comparaison n'est jamais possible selon des critères objectifs et ça dépend de l'évaluation immédiate que quelqu'un donne de qualité subjective. Ce qui transforme, comme je l'ai dit, la quête de reconnaissance universelle, c'est-à-dire où il y a société, il y a toujours, disons, on donne de l'importance à l'opinion d'autrui, c'est presque une définition du social minimal, mais dans la modernité, lorsque l'individu s'émancipe de son cadre de référence qui lui donne de la reconnaissance de manière presque immédiate comme un distributeur automatique, la catégorie de genre, la catégorie de classe, la catégorie ethnique, etc. Et la valeur devient le résultat d'une négociation, et là il y a la lutte parce que, et les épreuves. Ah, c'est une épreuve, par exemple. Hein? C'est une épreuve. Oui, une épreuve. Je suis épuisé. Est-ce qu'il y a un film utile? Pas d'autres questions? Marc? Bon, donc, je pense qu'on peut... Je peux juste c'est un commentaire, j'ai vraiment beaucoup apprécié votre. Je suis psychologue du développement, je m'intéresse aux bébés, aux enfants, donc je viens vraiment comme un amateur ici. Mais j'avais remarqué ça en lisant un petit peu Hobbes, le Léviathan, à quel point il est galvaudé, mal vu. Et que, en tout cas, dans mon domaine, il est pris comme cette espèce de monstre. Et en fait, quand on le lit bien, et puis vous le mettez bien en évidence, on se rend compte à quel point il y avait quelque chose de très humaniste, quelque part. Okay. Donc je vous remercie beaucoup de cette rectification. Merci Gloria. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez m'envoyer le texte? Bien sûr, je vais. Vous pouvez la gloire. Je le fais tout de suite, comme ça vous allez avoir la. C'était vraiment très très bien. Vous êtes philosophe même? Je suis philosophe. Et amatrice, sociologue amatrice. J'essayais d'aller mais vous, vous êtes en Italie, vous êtes ici ou... À ce moment, je suis sans emploi et à la recherche d'un poste ici. Mais là, je voudrais. C'est quelque chose qui arrive au pire. Ah non, non. Je voudrais réfléchir. Juste hier, j'ai. Enfin, moi, je m'intéresse à l'émergence de la réputation chez le très jeune enfant, à travers les cultures aussi. Mais là, le papier qui entre-temps. Je suis un peu. Oui. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Others in Mind, qui est sorti chez Cambridge en 2009, où je reprends tout ce que j'ai dit à ça. J'essaie de mettre le but de la Et donc, sur la partie consacrée à la relation mère-enfant et à la... Oui, non, mais c'est plus général, c'est sur les maisons de vie, l'identité sociale, etc. Oui.